Audiomatique. Le compositeur ukrainien Pavlo Storonsky se chargeait d'ouvrir la transmission 1-2-3 d'Audiomatique grâce à son projet Tiny Day. La pièce que nous écoutions, soit Be Heavier, se trouve sur son plus récent album Shadows, paru en 2014. Les électronistes qui vous accompagnent pour la prochaine heure à Audiomatic, où la musique électronique sera à l'honneur. Vous pouvez nous joindre à l'adresse audiomatic@commercialgmail.com pour tout commentaire, question, demande spéciale et confidence. Et en musique, à l'instant, FC Kahuna. Thank you. Le groupe Stereolab vient ici clore cette séquence musicale à Audiomatique avec la chanson Space Moth de leur album Sound Dust. C'était précédé par le duo britannique FC Kahuna et la pièce North Pole Transmission, sur laquelle on peut entendre la chanteuse américaine Eileen Rose. C'est tiré du seul album studio de FC Kahuna intitulé Machine Says Yes. Laissons-nous maintenant emporter par la musique downtempo de Scantech. Thank you. commencer sur la musique du projet Germind que nous terminions cette séquence de deux pièces à Audiomatic. La composition Rules of Forest Mysteries paraît sur le plus récent album de Germind intitulé Relaxation Algorithm. Et avant, c'était Scantec, le projet de l'artiste russe Vladislav Isaev, avec sa pièce Quantum Evo, qui est tirée de l'album Unit. Audiomatic se poursuit avec le groupe allemand Bethlehem. Little pig, let me come in. Not by the hem, but chin to chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. In Erden durch all meine Poren und erbreche albernen Brodem, bin auf Kitsch gar erpicht und auch morgen schon rutscht der Sattel noch nicht und auch morgen schon rutscht der Sattel noch nicht. completely is another world, you know? Thank you. À Audiomatic, nous entendions le duo anglais Way Out West et la pièce Secret de leur album Intensify. Cette pièce contient un échantillonnage de la composition Darkest Techno Dream du groupe The Secret. Et pour débuter, il s'agissait du groupe allemand Bethlehem et la pièce Das Vier Tier aus den Motowitz de leur album Schatten aus der Alexanderwelt. Retour 25 ans en arrière, soit en 1991, pour conclure cette transmission 1-2-3 d'Audiomatic avec le groupe My Bloody Valentine, qui nous fera dériver quelque peu de la musique purement électronique vers un style shoegaze, genre de rock expérimental bruyant. N'ayez crainte toutefois, puisque pour composer ces pièces, le groupe utilise des échantillonneurs. Nous entendrons la pièce I Only Said de l'album Loveless. Les électronistes vous remercient d'avoir été attentifs pendant cette émission d'Audiomatic. Nous serons de retour mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 1-2-4. Nous vous invitons à consulter nos profils sur nos différentes plateformes afin d'entendre ou de réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion, soit facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc My Bloody Valentine et la pièce I Only Said. Bonne écoute et bonne semaine.